Vous êtes à l'écoute de Futur Simple, toujours sur CKRL au 89,1. Et l'émission va se terminer avec Aurélie Lévy, de retour parmi nous après un séjour outre-Atlantique. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, pendant ton absence, il s'est sans doute passé des choses à l'université, puis il est temps d'en informer un petit peu les auditeurs, mais je pense qu'il y a un petit problème d'accès, par contre, avec le site Internet de l'université. Donc, la source était un petit peu réduite, mais tu veux quand même nous parler d'une conférence sur les oligo-éléments. Oui, tout à fait. Effectivement, il y avait un petit souci d'accessibilité. Que je sais pas, je suis revenue de vacances et peut-être que le site était resté en vacances. On dirait, oui. Mais quand même, on a réussi à trouver de l'information et dont une conférence qui aura lieu la semaine prochaine, le 16 mars 2011. Alors, ça laisse le temps au monde de s'organiser. Une conférence qui s'appelle « Les oligo-éléments, nos aliments en contiennent-ils suffisamment ?» Mm-hmm. Alors, ça aura lieu au pavillon Alphonse Desjardins à 16h. Puis, quand j'ai vu ça, je me disais, ben c'est vrai, mais déjà, c'est quoi je me suis demandé, quand j'ai lu cette question, c'est quoi les oligo-éléments? Parce que là, dans ma tête, j'avais, ok, est-ce que le calcium, c'est un oligo-élément ou pas? On confond un peu toutes ces familles-là. Alors, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'en parler. Pour se préparer à la conférence, parlons-en. Alors, les oligo-éléments, en fait, c'est une catégorie, mais qui appartient à la famille des minéraux. Mais par exemple, le calcium, c'est pas un oligo-élément, c'est un minéral. Mm-hmm. Mais par exemple, dans les oligo-éléments, le plus connu, souvent, c'est le fer. Parce que souvent, on nous fait faire des prises de sang pour voir est-ce qu'on a assez de fer dans notre sang, parce que sinon, il y a des risques d'anémie. Alors, souvent, c'est celui qu'on connaît le plus, mais il y en a d'autres, comme l'iode, le zinc. Le magnésium, peut-être. Le magnésium, c'est pas un oligo-élément. Ah, OK. Voilà. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est parce que les oligos, c'est petit, donc on en a besoin en petite quantité? C'est ça. Ah ouais. Bravo. Le manganèse aussi, probablement, ça serait un oligo-élément. Oui, le manganèse aussi, tout à fait. En fait, c'est par l'autre catégorie, en opposition, c'est les macro-éléments, en fait. Mm-hmm. Donc, effectivement, les oligo-éléments, c'est des éléments minéraux qu'on a nécessaires en toute petite quantité. Puis, ils sont vraiment indispensables à notre organisme. C'est-à-dire que si on les a pas, ben, on est malade. Mm-hmm. Puis, si on en a trop, on est malade aussi. Ah, oui. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin dans une quantité qui est vraiment déterminée. Et ils peuvent pas être synthétisés par notre organisme. On sait que notre corps, c'est une machine super puissante, on n'arrête pas de le dire. Mais il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Puis, fabriquer des oligo-éléments, elle peut pas. Mm-hmm. Alors, il faut absolument qu'on le trouve dans notre alimentation. Alors, on les trouve où, ces oligo-éléments? Alors, on va les trouver dans des légumes, dans de la viande. On les trouve aussi maintenant de plus en plus dans des substituts alimentaires. Mais dans notre alimentation, si on mange très varié quand même, on devrait en trouver de façon significative. Mais justement, c'est la question de cette conférence. Est-ce que avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il y a assez d'oligo-éléments? Et donc, je vais laisser le conférencier quand même répondre à cette question. Est-ce qu'on sait qui est le conférencier? Oui, le conférencier. Par contre, j'ai pas réussi à trouver son titre, mais c'est Monsieur Jacques Goulet. Mm-hmm. C'est un retraité de l'Université Laval, mais je sais pas le titre qu'il avait dans le passé. Mm-hmm. Alors, moi, ce que m'a un peu inspiré cette conférence, je suis allée voir un petit peu sur Internet, justement, qu'est-ce qu'on trouvait aussi sur le manque dans nos alimentations. Et je suis tombée sur un dossier en lien très intéressant sur le site Futura Science. Donc, c'est futura-science.com. Mm-hmm. Dans les dossiers qui sont présentement sur la page d'accueil, il y a un dossier qui s'appelle « L'alimentation, surconsommation, surcuisson, manipulation des ingrédients ». Ouais. Alors, vraiment, ça pose beaucoup de questions. Il y a des choses vraiment à prendre au premier degré, et c'est vraiment plus pour les questionnements qu'on se pose. Il y a notamment une partie sur le rôle de l'alimentation dans les maladies ou les maladies les plus fréquentes qu'on trouve de plus en plus dans les populations, dans l'apparition de nouvelles maladies aussi dans certaines parties du globe terrestre. Et on voit des fois que c'est par exemple des populations qui ont changé leur alimentation. Mm-hmm. Par exemple, je pense en Chine qui mangeait pas spécialement de viande. C'est quelque chose, un produit qui maintenant, avec la consommation, on va dire, moderne et puis plus internationale, il y a beaucoup de ces produits-là qui sont intégrés dans leur nourriture. Et ça change, bien entendu, la réaction de nos corps. Mm-hmm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, c'est comme une maison. La solidité de la construction, elle est liée à la qualité des éléments. Et donc, si on consomme des aliments qui sont peut-être pas forcément, des fois qui sont négligés sur la qualité ou qui sont pas adaptés à notre corps humain, ben on va avoir du mal à les intégrer. Peut-être ça se peut, peut-être que notre corps, s'il a jamais été en contact avec certains aliments, comme peut-être des Chinois qui ont vécu pendant 30-40 ans sans habituer leur organisme à digérer de la viande, puis maintenant ils se mettent à avoir une consommation très carnée, ils ont peut-être des problèmes tout simplement à la prendre en compte, à la digérer. Tout à fait, ça c'est des choses que actuellement notre génération paye encore des changements qui sont produits il y a très très longtemps. Par exemple, il y a eu la plus grosse révolution alimentaire, elle date du néolithique. Alors pour cibler le néolithique, c'est il y a environ 10 000 ans. Mm-hmm. Donc il y a environ 10 000 ans, il y a eu une énorme révolution alimentaire qui est le passage. L'homme avant, il était cueilleur-chasseur, hein, il tuait des animaux et puis il cueillait des petites baies. Puis là, il s'est sédentarisé, il a décidé d'arrêter de bouger avec les animaux ou avec les saisons. Puis il est devenu agriculteur, il a cultivé la terre et il est devenu éleveur. Mmh. Et ça a vraiment tout changé parce que résultat, il s'est mis à sélectionner certains types de blé qui donnaient plus, par exemple, de rendement. Mais résultat, il a sélectionné des blés qui avaient plus de gènes que ce que le blé devrait contenir. Résultat, le blé s'est mis à produire du gluten qu'on n'est pas capable de digérer, exemple. Où il s'est mis à élever des animaux, donc à récolter le lait des animaux. Ouais. Avant, il les chassait, ils n'allaient pas traire des animaux sauvages. Non. Puis on s'est mis, il y a 10 000 ans, à consommer du lait. Et par exemple, on sait que 15% seulement de la population de plus de 7 ans est capable de digérer le lactose actuellement. Ouais. On consomme tous du lait. Ouais. Alors on voit que la vitesse d'adaptation de nos gènes et de nos enzymes pour digérer ou traiter ces nouvelles molécules, fin de compte, et en 10 000 ans, on n'est pas encore adapté pleinement. Ah oui, on n'est pas encore adapté pleinement en 10 000 ans. Puis là, notre alimentation, elle a énormément changé dans les, disons, 2-3 dernières décennies. Puis on n'y est pas du tout adapté alors. Oui, tout à fait. Et c'est le côté que soulève aussi ce dossier qui est très intéressant, qui sont des questions ouvertes. Il ne faut pas oublier qu'on reste un maillon de la biodiversité, de la chaîne alimentaire aussi. La sélection naturelle, elle est valable sur les plantes, mais elle est valable sur l'espèce humaine aussi. Mm-hmm. Et est-ce que, justement, on ne fait pas face actuellement à une sélection naturelle très sévère parce qu'on a besoin d'une adaptation très rapide à toutes ces modifications, et ce qui entraîne des maladies complexes, des maladies très rapides et brutales qui arrivent actuellement dans nos générations. C'est une question aussi qui est soulevée dans le dossier et que j'ai trouvé très intéressante. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis donc là, peut-être que c'est pour en revenir aux oligo-éléments, peut-être que cette conférence-là va dire aussi si notre apport en oligo-éléments a changé avec les changements de notre alimentation. Tout à fait, parce que est-ce que ça en contient assez dans l'alimentation? Est-ce qu'on en a assez dans la nature? Mais est-ce que maintenant on consomme ces bons produits? Parce que avant on consommait de saison, par exemple dans les légumes verts, dans les choux, il y a beaucoup d'oligo-éléments. Ben oui. Mais maintenant on mange de moins en moins de fruits de saison, par exemple le fer, pour qu'il soit assimilé, le fer qui est contenu dans les choux, comme les choux de Bruxelles, et il faut que ça soit associé à une vitamine C, comme une orange. Ah oui. Mais c'est des choses qui poussent simultanément, qu'on récolte en même temps, pas dans les mêmes émissaires, je suis d'accord, mais nous, par exemple, on devrait manger ça plus ou moins en même temps, mais maintenant, on mange des aubergines en hiver et des courgettes, des zucchinis à toute période de l'année. Alors, c'est sûr, est-ce que le fait qu'on ait accès aux aliments qui poussent toute l'année, durant toute l'année, ça couvre tout ça? Il y a beaucoup de questions derrière ces informations-là. Peut-être aussi que nos modes de préparation aussi des aliments, parce que là, tu parles il faut que c'est dans des légumes frais, peut-être, mais peut-être que si c'est en conserve, peut-être que si on les fait cuire au micro-ondes, qu'est-ce qui se passe avec les oligo-éléments? Et tout à fait, il y a des questions aussi de surcuisson. Ouais. Parce que quand on parlait tout à l'heure des révolutions alimentaires qui se sont passées il y a 10 000 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, il a été, il s'est adapté à manger cru et à évoluer avec les vitamines, avec les éléments que la nature lui donnait à l'état brut. Ah oui. Quand on s'est mis à cuire les aliments, il y a eu, oui, des impacts positifs, mais la surcuisson et la cuisson, la globalisation de la cuisson fait qu'on a modifié certaines molécules alimentaires et qui ne nous apportent plus la même chose. On perd maintenant des vitamines, on le sait, ce genre de choses. Il y a des choses qu'il vaut mieux manger cru, mais on a tendance maintenant à tout chauffer, ou les choses ont été pasteurisées, ou ce genre de choses. Donc ça aussi, il y a une question par rapport à la surcuisson, c'est sûr. C'est une conférence qui va avoir lieu. On peut rappeler quand et où? Oui, alors elle aura lieu le 16 mars à partir de 16h au pavillon Alphonse Desjardins. Sais-tu si c'est payant? Il n'y avait pas d'information là-dessus. C'était écrit que c'était accès grand public, mais il n'y avait pas d'information. Alors peut-être essayer de les auditeurs qui sont intéressés, essayer de se renseigner, mais il y avait d'habitude, il l'informe si c'est payant. C'est un sujet certainement à explorer, savoir si notre alimentation moderne, notre mode, l'origine de nos aliments et notre façon de les préparer nous permet de nous approvisionner, de nous alimenter suffisamment en oligo-éléments. C'est une très bonne suggestion. Aurélie, je te remercie. Et on se revoit dans 2 semaines. Tout à fait. Merci beaucoup, Aurélie. Bonne fin de journée.